Féminine, Mme Agnès Maltais, du député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté, du Centre local de développement de Québec, porte d'entrée des entrepreneurs d'ici, de la Caisse d'économie solidaire des Jardins, de Télé-Québec, de la Caisse de Limoilou, de la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, de la SEDEC, Société de développement des entreprises culturelles, et du député de Jean-Lesage, M. André Trudeau. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est, et au Dorsay, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Bienvenue à Web Musique. Merci d'être à l'écoute. Donc, une belle soirée remplie, comme à l'habitude, de musique gratuite. Musique trouvée sur les internets au hasard de mes navigations. On va débuter l'émission avec une belle compilation que j'ai découverte aujourd'hui. Une compilation sur l'étiquette Fuse Lab. C'est une compilation de Future Beat. Plein d'artistes vraiment intéressants. De signatures un peu hip-hop, un peu électro. Donc, vraiment intéressant. La compilation s'intitule Re-Jumble. J'ai sélectionné deux artistes pour vous. On va débuter l'émission avec 813. La pièce s'intitule Astral Baby, puis ensuite de ça, c'est moi, Pillar, avec la pièce Soaring Falcon. Vous allez voir deux pièces excellentes. Je vous invite à télécharger gratuitement la compilation Re-Jumble. Pour ça, ben, vous avez juste à vous rendre sur le site de Web Musique. C'est au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès à la playlist et vous allez pouvoir télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Si vous voulez me contacter pendant l'émission, vous avez juste à composer le 418-640-1586. Si vous avez des commentaires, des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, ben c'est ça, on débute tout de suite avec 813. de la ville de Moscou en Russie, c'était Moa Pillar avec sa pièce Soaring Falcon. Avant ça, toujours de Moscou, c'était 813 avec sa pièce Astral Baby. Donc, deux pièces qui sont publiées par l'étiquette Fuse Lab. C'est sur la compilation Rejumble, une compilation de Future Beat vraiment intéressante. Je pense que c'est mon coup de cœur de la semaine. Vraiment une compilation vraiment excellente. On va poursuivre avec un artiste français qui est publié sur l'étiquette Sociopath Recordings, une étiquette qui nous vient de Taïwan. Il s'agit de Lantry Peck. Il est aussi connu sous le nom de Bua Kanja. C'est une pièce tirée de son album Lantry Peck is not a human. Vraiment excellent. La page de Sociopath Recordings n'est pas encore à jour, donc... L'album n'est pas vraiment sorti, c'est un peu une exclusivité. Donc, on va entendre la pièce Body de Lantry Peck. Tout de suite après, c'est un grec du nom de Harris H. avec sa pièce Burning Leather. C'est publié sur l'étiquette Akashic Records. Donc, on écoute tout de suite Lantry Peck à Web Music. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous êtes à l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un artiste de la Grèce. C'est Aris H. avec sa pièce Burning Leather. C'était sur l'étiquette Akashic Records. Avant ça, de la France, c'était Lantrypec avec sa pièce Body. Lantrypec est aussi connu sous le nom de Boa Kanja. C'était publié sur l'étiquette Sociopath Recordings, une étiquette qui nous vient de Taïwan. C'était donc tiré de son album Lantrypec is not a human. On va poursuivre avec deux artistes sur l'excellente étiquette Dusted Wax Kingdom. Tout d'abord, c'est Inkling, un artiste de l'Angleterre. Je vous fais entendre sa pièce Lessons. Ensuite de ça, de l'Ukraine, c'est Garaz avec sa pièce Laundry. Donc, on écoute Inkling tout de suite à Web Musique. Oh, de l'Ukraine, c'était Garaz avec sa pièce Laundry. Avant ça, de l'Angleterre, c'était Inkling avec la pièce Lessons. Deux artistes publiés sur l'excellente étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. On va faire une courte pause, puis Web Music vous revient tout de suite après. Vous écoutez CKRL 89.1. De retour à Web Music, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, pour poursuivre, on va écouter cette fois-ci un artiste du Rwanda, c'est Terror Rhythmus. Sa pièce s'intitule From the Hood. C'est publié sur Yarn Audio, donc un peu de trap music pour vous à Web Music. Ensuite de ça, sur l'étiquette Le Colibri Nécrophile, c'est Parisia Sound System. Je vous fais entendre la pièce Curious. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute tout de suite Terror Rhythmus. Hoo! un peu de chorale expérimentale à web musique. C'était Parisia Sound System. Ça nous vient de la France. C'était la pièce Curious, publiée sur l'étiquette Le Colibri Nécrophile. Avant ça, un peu de trap music. C'était donc un artiste du Rwanda, Terror Rhythmus. Sa pièce s'intitule From the Hood. Ça, c'était publié sur l'étiquette Yarn Audio. On poursuit avec un artiste allemand du nom de Omara, qui a son propre, sa propre étiquette Omara Music. Une bonne tralée d'albums en téléchargement gratuit. Donc, allez visiter la page de Omara. Plein d'albums vraiment intéressants. Je vous fais entendre la pièce Feel It. Ensuite de ça, sur l'étiquette Monocrack, je vous fais passer un Ukrainien du nom de Alex Vandoff. Je vous fais entendre sa pièce Scatter. Donc, on écoute tout de suite Omara à Web Music. This is People who have broadcast culture in this country, like in this country, as well. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. Donc, on vient tout juste d'écouter une pièce aux influences un peu africaines mélangées avec un peu d'électronique. C'était un artiste ukrainien du nom de Alex Vandoff. Sa pièce s'intitule Scatter. C'était sur l'excellente étiquette Monocrack. Avant ça, de l'Allemagne, c'était Omara avec sa pièce Feel It. C'était publié donc par lui-même sur son étiquette Omara Music. On poursuit avec un artiste suédois, cette fois-ci du nom de Captain Raveman. Je vous fais entendre sa pièce Ninja Bike. C'est publié sur l'étiquette Sociopath Recordings. On écoute ça tout de suite. Baby, are you up for this? Give me all that slamming so that I can turn on first. We no talking. I am feeling hot tonight. You ready to give up on time? I am feeling hot tonight. You ready to give up on time? Combination, set him up, and he pleased me. He was a team, he's a DJ, easy. de la Suède, c'était Captain Raveman avec sa pièce Ninja Bike. C'était sur l'étiquette Sociopath Recordings. Ça va déjà être tout malheureusement pour Web Music. On va se quitter sur une dernière pièce. Avant ça, je vous invite à rester à l'écoute. Un invité de marque pour l'émission La Croche-Oreille, c'est Éric Dorion. Donc Jean-Pierre Gay et Ariane Plante le reçoivent ce soir. Je vous invite à rester à l'antenne de CKRL, une émission qui promet selon moi. Donc, on va se quitter sur une pièce d'Origami Bureau. C'est un trio des États-Unis, donc deux musiciens et un vidéaste. Album vraiment intéressant, intitulé Flicker. Je vais vous faire entendre la pièce Ballerina Platform Shoes. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc, on se quitte là-dessus, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music.